الذين يريدون جمع اسم المسلمين ولم ترضهم الفرقة الحاصلة في صفوف المسلمين، فعليهم أن يكرسوا جهودهم في إرجاع المسلمين إلى مصادر السنة الصحيحة لفهم سلف هذه الأمة، وأن يبعدوهم عن كتب الخرافات والدجل والآراء الفقهية التي لا تعتمد على دليل، وأن يبعدوهم عن الطرق الصوفية البعيدة عن الدليل، وبعض الطرق بعيدة عن الأصول الإسلامية الكبرى، والله المستعان. Donc, ceux qui veulent maintenant réunir la communauté, ça a déchiré leur cœur que la communauté soit divisée et que cette division, ils n'agréent pas cette division qu'il y a dans la communauté. Il faut qu'ils œuvrent et qu'ils mettent des efforts, que tous leurs efforts soient dans le sens qu'ils fassent revenir la communauté aux sources de la sunna authentique et au livre d'Allah Azza wa Jal avec la compréhension du puisère d'Allah alayhi. Et qu'ils éloignent la communauté du livre des histoires à dormir debout et des légendes à ne pas en finir et des rêves et des mensonges et des opinions dans la jurisprudence qui ne sont pas basées sur la preuve, et qu'ils les éloignent de la voie du sophisme, qui sont loin de la preuve, et des fois certains voies du sophisme sont loin même des fondements de cette religion. Certaines voies, carrément, sont sorties de l'autre côté. Ceux qui croient à l'unicité de la création, etc. Le créateur, c'est le serviteur, et le serviteur, c'est le créateur, etc. Allah al-Musta'an. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه في الاعتصام قال ابن المجاشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الله المستعان. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، خيانة، أن محمد خان الرسالة، حاشاه وكلا، بل بلغ عن الله، أتم البلاغ وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فانظر حال هذا المبتدع كيف يقول فيه الإمام مالك أنه يقول عندما يرى أن البدعة حسنة واش فيها كاع، يكهن الخير هذا، يكهن شي شوية ديال الأذكار مع هاد الفقراء القاضي، واش هذوك الأذكار خلاهم لك الرسول صلى الله عليه وسلم، واش هذيك القراءة اللي تقرا جماعة تخلاها لك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذه حسنة وهذه كذا، واش انت غادي معاه، فين غادي نصدقو؟ يا شوف الإمام مالك باش حكم عليه، لأنه تيقول بالفعل ديالو، إلا ما دارهاش فمو، تيقول بالفعل ديالو راه محمد خان الرسالة، هذاك الفعل اللي تيدير. والدليل شنو؟ واحد الإمام مالك كتاب الله، اليوم أكملت لكم دينكم، طلع عند القضية مجموعة، الله سبحانه وتعالى سد الباب، ما كاين شي ميت زاد ولا ميت نقص، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ومن نعمة الله أنه سد الباب، أخلى شي واحد فين يجي يحكم عقله في النصوص. وقال الإمام مالك داك الشيء، هذه قاعدة، داك الشيء اللي ما كان دين داك النهار ما يكونش دين اليوم، كيفاش داك الشيء اللي ما كان دين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمام أبو بكر، وأمام عمر، وأمام عثمان، وأمام علي، ومعاوية، وصحابة رسول الله، كيفاش يكون عندنا اليوم دين؟ ها؟ مدروكة تقلبات عندنا، تنشوفوا هاد الشباب مساكن تمرتوا شوية على السنة باش يتعلموها باش يجروا، ونجيو نقولوا ليه حكى الدين جديد؟ أش هو هاد الدين؟ راه مصيبة هاد اللي قلتي، دين جديد كي دار ليه؟ هذا راه ما جديد، هذا راه قديم، ولكن أنت ما عرفتيه، أش بغينا نديرو ليه؟ أنت راه ما عرفتيه، داكشي فين وصلت. هذا راه ما جابش حاجه جديده من عنده، راه ما هو الا داكشي اللي كاين، السنه اللي كاين عليها هو. غير انت حنت ما عرفتيهاش وما عمرك شفتيها تقول لي هذا جاي جديد جديد، وهذه كلمه خطيره عليك تقول دين جديد، ها خطيره جدا. دور اعتصام ديال الشاطبي رحمه الله عليه بدل ما جاشون دي جيون طوبي مالك ادي celui qui innove l'innovation dans l'islam il dit il voit que cette innovation est bonne celui là prétend que le prophète a trahi le message que le prophète a trahi le message. Allah al-Musta'an. Regardez ce jugement qu'il donne l'imam Malik. Regardez cette importance qu'il avait pour la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il attire notre attention avec des paroles fortes, trahison, que Mohammed a trahi le message. Et il dit, rahmatullah alayka, Allah a dit, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et je vous ai agréé l'islam comme religion. Et il dit à la fin une règle, prends-la comme règle. Ce qui n'a pas été une religion à cette époque, c'est-à-dire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ne sera pas une religion aujourd'hui. Ce qui n'a pas été pratiqué devant le prophète alayhi salatu wassalam, et devant Abu Bakr Siddiq quand il a pris le khilafah, et devant Uthman, et devant Ali, etc. Et ce que n'ont pas fait les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ben non. Il ne sera pas une religion aujourd'hui. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il filme, ce qu'il le porte? C'est des invocations qu'il fait. D'où il ramène ces invocations? Ils se sont réunis juste pour aller en groupe. D'où il le ramène? Le prophète l'a fait. Abou Bakr l'a agréé. Uthman l'a fait. Il y a quelqu'un l'a fait parmi les compagnons ou parmi ceux qui les suivent à la perfection. S'ils ne l'ont pas fait, pourquoi toi tu le fais? Regarde ce qu'il dit l'imam Malik. Il dit en plus, c'est bien. C'est bien. Ils ne veulent que le bien. Et Allah le Seigneur, il dit, combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin. Oh, rahimallahu, wa radiyallahu an bin Sa'ud. Il dit, comme min muridin lil khair lam yusiba. Kayfa yusib al khair wa ma qad tariq diyalo. Rahmatullah alayhi, radiyallahu ta'ala an Allah le Seigneur. Combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Bien sûr, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le chemin. Comment tu peux? Tu veux aller en Allemagne, tu as pris le chemin de Bordeaux, le tour de Bordeaux. Où tu vas arriver? Tu vas arriver à Bordeaux. Tu ne vas pas arriver à Copenhague. Oulala. Là, tu veux Casablanca et tu as pris le chemin d'Amsterdam. Voilà, vas-y, cours, qu'accélère, vite. Et tu vas arriver. Ce n'est pas possible. On met notre aql et on regarde. Bah, c'est pas possible. وقال رحمه الله من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم. هذا كلام إمام مالك. يقول رحمة الله عليه فهم ديال الكلام ديالو. من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الدين. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الاعتصام الجزء الثاني. قال رحمة الله عليه من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala laisse se sentir miséricorde. Celui qui innove dans cette communauté quelque chose, c'est quelque chose de nouveau dans cette communauté, c'est-à-dire dans la religion de cette communauté. Moi, innove dans les choses de ce monde comme tu veux. Du moment que ça fait du bien pour l'humanité, du moment que c'est tabou haram, essaye. Mais dans la religion, voilà. Celui qui ramène quelque chose de nouveau dans cette religion, sur laquelle n'ont pas été les pisseurs de Allah alayhi, celui-là prétend que le prophète alayhi salatu wassalam a trahi la religion. J'ai une autre version. Là-bas, il prétend que Mohammed a trahi le message. Il dit, il a trahi la religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Et ce qui n'a pas été une religion, ce jour-là, c'est-à-dire le jour, pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, il ne sera pas une religion aujourd'hui. الاعتصام لدوزيام توم الشاطبي رحمه الله عليه، والبدادي الصراحة من صراحة، والبدادي الحكم من حكم. إمام مالك يرجع دين الله إلى الكتاب والسنة وإلى تطبيق الصحابة والتابعين لهما بإحسان، ويرى في ذلك كمال الدين، عقيدة كاملة منتهية، عبادات تامة، أخلاق كاملة، زهد وتربية وورع في غاية التمام رضوان الله عليه. Est-ce qu'après cette clarté il y a une autre clarté? Est-ce qu'après ce jugement et cette sagesse il y a un autre jugement ou une autre sagesse? Imam Malik fait revenir toute la religion d'Allah Azzawajal au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi sallallahu alayhi sallam et à la mise en application du compagnon du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam et de leurs successeurs et de ceux qui les suivent à la perfection. Il voit dans cette voie-là la religion parfaite. Kamal dit. Au niveau des croyances, complet dans cette voie-là. Au niveau des adorations, complet au niveau de cette, dans cette voie-là. Au niveau du comportement, la même chose. Hein? Au niveau de l'éducation, au niveau de la dévotion, au centre du complet. فماذا بعد هذا؟ ألا يكفي للمسلم أن يكون هذا النموذج وقدوته؟ فماذا سيأتي المستدركون على دين الله؟ فبماذا سيأتي المستدركون على دين الله؟ اللهم إذا كانت رسالة جديدة تقوم بمقام رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وتقوم بمقام منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لهم ذلك. Après ça, est-ce que ça ne suffit pas aux musulmans ces orientations, ces exemples, ces paroles, cet exemple qui est Imam Malik et ses paroles, hein? Est-ce que ça ne suffit pas? Qu'est-ce qu'ils veulent ceux qui veulent rajouter quelque chose à la religion là, rajoutent de là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Qu'ils veulent ceux qui veulent rajouter des choses dans la religion de l'Allah. Qu'est-ce qu'ils veulent? Sauf c'est une nouvelle, un nouveau message, hein? Qui va s'accomplir à la place du dernier. Et comment? C'est pas possible. Le dernier message, c'est Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf s'il y a une autre voie. Qui est autre que la voix du compagnon du prophète alayhi sallam. Comment ça peut? C'est pas possible. Allah, il n'a agréé que cette voix-là. C'est bil mu'minin, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont amener? Kharabit. L'imam Malik, yu'allimuna, wa yunabbihuna, an adam l'iktifa bima kana alayhi salafu hadhihi al-umma. وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بالخيانة في رسالته. الله المستعان. Imam Malik nous apprend et attire notre attention que le fait de ne pas se suffire de la religion, de ne pas se suffire de la religion de Allah عز وجل, de la voix de le plus haïr d'Allah عليهم et alors peut-être le prophète عليه الصلاة والسلام, cela c'est, hein, signifie que le prophète a trahi le message. Innovation, il est bon, c'est une bonne voie, il ne veut plus de bien, il veut juste réunir, etc. Et cela, même Malik dit, celui qui innove quelque chose, il dit que ça c'est bien, hein, il dit, il prétend par son acte, et par ce qu'il vient de dire, que Mohammed a trahi le message. Allah, Allah, sur la voie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. C'est sur cela qu'il faut se cramponner. Hein? أقدمه لإخواني ولنفسي وإلى كل من يريد النجاة وكل من لا يريد الافتراء على الله وعلى رسوله قولة أبا عبد الله المشهورة لا أدري ما قولة خالدة مشهورة درس عظيم من هذا الإمام من هذا الحبر من هذا الجبل إمام بهذه الشهرة وهذه المكانة عند العلماء وعند الأمراء وعند السلاطين وعند خلفاء المسلمين، أعظم قولة عنده لا أدري. نعم تسمع مزيان، لا أدري، ما عرفت هكا، ما عرفت. Et la plus grande des leçons que je me donne que je t'expose, c'est cette parole pour celui et tout frère et toute sœur qui veut être sauvé dans sa religion, d'utiliser ce verbe dans sa négation. Je ne sais pas. C'est la plus grande leçon que nous donne Imam Malik, rahmatullah. Je ne sais pas. الإمام مالك يقول جل سيدا، أوه الإمام مالك يقول جل سيدا، اليوم كأباز عفر المنصور ذلك الصوري سواء لليفر كي خيجي toute la communauté et qui n'y a pas d'autre livre que ce livre là الموقت dit je ne sais pas. أوه يا أخي الإسلام يقول je ne sais pas. Il dit je ne sais pas. Il dit aussi je ne sais pas bien répondre à ta question. Et une grande leçon que nous devons apprendre. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد قلنا ذات يوم في مجلس الإمام مالك فجاءه رجل وقال، وكان الناس يتزحمون على مجلس الإمام مالك رحمه الله عليه، فقال الرجل يا عبد الله لقد جئتك من مسيرة 6 أشهر. يا اسمع احنا حتى التليفون ما قدينا نهزه باش نسولوا العالم على شي مصيبة حنا فيها شهور وغادي. لقد جئتك من مسيرة 6 أشهر. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله شيخ الإمام أحمد إلى دياجوغ نزيتيون دون زينا السيز هذاك الإمام مالك إلى السيز ديال الإمام مالك دون لصنمون دون لمسكة دي بخوفة عليه يدي موند يا النوم يتعيزي ديكسيون Imam Malik. Il a dit « Ah ben, dis-le, je suis venu d'une marche de 6 mois. 6 mois de marche. Ya Allah. Et on regarde, 6 mois, Ibad Allah. » Et nous, on y a avare de prendre le combiné d'un téléphone et de composer un numéro quand on tombe dans un problème et de demander le verdict à un savant ou la solution à un savant. 6 mois. Vous voyez pourquoi le chemin c'est le chemin. هذا اللي تبين لك ان الطريق طريق ولايك شهور البرد الشتاء العجال المخاره في الطريق ها قلت الماكله في موا لي بريغون سور لا روت لو فون لي تومبيت دو ساب اي سا نون فيني با لي مالادي لو بو دو بوف اكسيتيرا. احنا سور طون ديفون confortable dans tes babouches, même pas le pousser la main sur le combiné et prendre et composer un numéro pour demander la solution de notre problème. Là pourquoi Tariq, la voix, pourquoi l'éloge, pourquoi ils ont cet éloge, pourquoi ils sont là, alors t'as les amis dans cette enseigne, en scène là, c'est pour ça, parce que pour leur religion il ne fait pas travailler ses ménages. Ses ménages, il les fait travailler là où il faut. Et pour ce qui concerne la religion, il s'oriente vers là où il faut. Vers là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté. Hein? Ceux qui ont son dîme, il met en application le verset d'Allah. Je vous dis, alors, il y a des déclins qu'on tombe là-dedans. Vous voyez, le dîme dit, alors, moi, j'ai des jades. Tu es clé, alors, salama. Tu es une tête, le qu'Allah, je vous dis, alors, il y a des déclins qu'on tombe là-dedans. ها بحال سميتو هذاك اللي داك الحنج ديال الماء السنور هذاك تخطو في ديك وتيزق هكا ها سي با كوم اون بي دون لا ريليجيون ابليس يل تورن لا لا هو يبدا دغوا ديريكتومون ها يل دوموند اكي دو دغوا. فاسمع يا من تبخل على نفسك برفع سماع الهاتف لتتصل باهل العلم وهذا يقول يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر مشى الرجل 6 أشهر على ظهر دابة في الفيافي والصحاري، ونحن اليوم ندخل على أنفسنا بثمن مكالمة محلية، مكالمة محلية، ونحرم أنفسنا من استفسار أهل العلم والأخذ عنهم وترتيب الدروس معهم. فهذا الرجل لم يركب سيارة ولا مرسيدس ولا مرسيجوج ولا ثلاثة ولا نادج كله، ومع ذلك لم يتكاثر كما هو حالنا في هذا العصر والله المستعان. إيكوت ها il ne soit pas rare de prendre le combiné de ton téléphone pour poser tes questions au savant. Celui-là écoute, celui-là est diable, dis-le, 6 mois de marche. Et l'homme, alors il n'a pas pris l'avion, ni le supersonique, la Boeing, voilà, Boeing, ni le Mercedes, ni le Mercedes 3, rien de tout ça. Soit de cheval, soit l'âne, soit le dromadaire, voilà, c'est ce qu'il y a. Traverser le désert, les tempêtes de sable, les orages, etc. Les venins sur la route, les vipères, etc. Et voilà. Et nous qui sommes avares, les voix. Faut maintenant pour téléphoner en Orient, t'as avec certains opérateurs communication locale. Communication locale. Et voilà, communication locale. Et je reste les mains croisées. Je ne téléphone pas pour demander la solution de mon problème ou là pour organiser des cours par téléphone avec le machaïr pour une communication locale. Le prix d'une communication locale est à Abadullah. Là, regardez la différence. Ou là, il ne nous apparaît pas la différence, mais elle est claire. Je veux le voir, Gittej. Allah le Musta'an. ولقد مر بنا زمان ليس بالبعيد عن ذاكرة كثير منكم أثناء دورات روبي الصيفية مع الشيخ علي الحلبي والشيخ سلطان العيد والشيخ صالح السندي والشيخ عبد الله البخاري الذين قدموا إلينا عن طريق جمعية أنس بن مالك، وما حضر هذه الدورات إلا القليل وهم قلة في الصباح. وهذا عايشنا والله المستعان. إيه يا إنسان يبكي جنب باصه اللي بروان دونو اللي فخز دون خمين موار certains ont connu cette situation. Certains étaient jusqu'à l'été 2000 à peu près 2001. À Roubaix il y avait séminaire avec des savants qui venaient soit d'Arabie Saoudite soit les élèves de Cheikh Nasser rahmatullah alayh. Il y a eu 2 fois Cheikh Ali Hassan 15 jours, il y a une fois le Cheikh Sultan Al-Aïd, Hafidahullah, le Cheikh Salih Sindi, le Cheikh Abdullah Al-Bukhari et d'autres. Peu de gens étaient là. Et le matin, à la calcul, tu n'avais pas les frères qui viennent de loin, désert. C'est tout. Hazard, notre situation. Voilà, c'est la réalité, est-ce qu'on va se cacher la face? C'est la réalité. 6 mois il a fait, il ne s'est juste à la portée de la maison. À côté. Non, هذه مرارة الواقع. وهذا يأتي من مسيرة شهر 6 أشهر. ويقف ويقول لقد حملني أهل بلدي مسألة لأسألك فيها. نعم أخي الإسلام، 6 أشهر من التحمل والتعب ولم يكونوا في راحة في أسفار. دونك لا أخي الإسلام ما تذكرش لفاس سي لم يختم دولا سيتياسيون سي لا يبين دو 6 موا اي يبين إمام مالك لي جون de ma tribu, de la légende de mon village, m'ont demandé de venir te poser cette question. Et il a marché 6 mois pour arriver. وسأله الرجل ولم تذكر الرواية تلك المسألة فنظر الإمام مالك بعدما انتهى السائل من سؤاله وقال لا أدري. شهر عباد الله هو الرجل قال لي الإمام مالك لا أدري. نعم سمعتها بأذنك لا أدري. لا أحسن جواب مسألتك. فذهل الرجل ذهل الرجل وقال أتيتك من مسيرة 6 أشهر وأهل بلدي ينتظرون جوابك وأنت تقول لا أحسن جوابك لا أحسن جواب مسألتك ماذا أقول لهم؟ فقال لهم مالك فقال لهم مالك قل لهم قال لكم مالك لا أحسن الجواب برضوكم على حد ما عندي جواب ها كيف وراء خوف من الله عدم التقول على الله بما لا يعلمون أئمة ها إلهم أبوزي تاكيستيون Et la version qui nous est rapportée ne raconte pas le sujet autour duquel tourne cette question. Imam Malik, rahmatullah alayh, il regardait jusqu'à ce que le bonhomme ait terminé la question. Et quand il a terminé, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as bien entendu. Il lui a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien te répondre. L'homme fait péter ses câbles. Comment? Je suis venu 6 mois, et les gens de mon pays attendent ta réponse. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et toi, tu me dis, je ne sais pas te répondre à ta question. Qu'est-ce que je vais leur dire? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Malik? Il a dit, dis-leur, l'imam Malik vous dit qu'il ne sait pas. Pour l'imam, ça s'arrête là. L'imam Malik vous dit qu'il ne sait pas. C'est tranquille. Ah, là, c'est comme ça qu'ils ont été imams dans la religion. Ils ne disent pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal ce qu'ils ne savent pas. Ils ne parlent pas sur Allah Azza wa Jal pour avec n'importe quoi. فإلى كل من يتفرع في الجواب إلى كل من يتصدر لما لم يؤهل له أن يتعلم هذا الدرس العظيم من هذا الإمام الجليل. قال الشافعي رحمه الله لقد صحبت مالكا وسئل عن 42 مسألة فقال في 32 مسألة لا أدري. جواب لا صلاة 32 قال لا أدري. يا الله يا تعجبنا. Et ça, cette leçon, tout un chacun de nous qui veut se précipiter à répondre, il faut qu'il médite cette réponse de l'imam Malik. Tout un chacun de nous, qu'il entend quelque chose, là, il entend une question, et il ne la connaît pas, il ne maîtrise pas le sujet, il maîtrise, elle doit se rappeler de cette grande leçon de l'imam Malik. Shafi'i rahmatullah alayhi, il a dit, il a accompagné l'imam Malik une fois, et on a posé 42 questions à l'imam Malik. Il a répondu sur 10 et 32, il a dit je ne sais pas. Imam Malik, 42 questions lui sont posées, il répond à 10, il dit pour 32 je ne sais pas. Pourtant c'est Imam Malik. Ah, c'est une grande leçon que nous devons retenir. Pour maîtriser celui-là, qu'il ne se précipite pas à débiter n'importe quoi et à dire n'importe quoi. ولذا هذا أعظم درس نستفيده من هذا الإمام هذا الفد الجديد أن نتعلم قول لا أدري لا نستحي ولا نتحرج لأن القول على الله وعلى رسوله بغير علم مزلة جائرة وعتبة خطيرة مزلة جائرة وعتبة خطيرة c'est pour ça. Cette grande leçon, nous devons la retenir de cet imam. Cet imam unique dans son genre. Ce noble imam, nous devons retenir cette leçon. La leçon de je ne sais pas, de dire je ne sais pas. Pas avoir de la fausse pideur. Il ne faut pas avoir de la pideur là où il ne doit pas y avoir de pideur. Ah, je ne sais pas. Et il n'y a pas de gêne. Il ne faut pas avoir de gêne quand je dis je ne sais pas. Là, je le dis, j'ai la tête haute. Je ne sais pas. Car le fait de dire quelque chose sur Allah, Et ce faux messager, alayhi salam, sans science, ça c'est la pente de la glissade. C'est la pente pour aller vers la perte. لا تقل على الله وعلى رسوله بغير علم ففي هذا المحيط الذي نعيشه ها والخالي من اهل العلم الموثوقين نسمع ما عند له الجبين من الناس من لا يتورع عن اجابته عن كل ما سئل ويتذرع على القول على الله بدون علم dans ce milieu dans lequel nous sommes dans ce pays et dans tous les pays d'Europe hein où il n'y a pas d'homme de science digne du nom hein tu entends certains qui disent des trucs la sueur froide te tombe sur le front dire des choses tu ne sais pas où ils les tiennent d'où ils les tiennent je ne sais pas s'ils se rendent compte ici en train de parler de la religion d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam. Je ne sais pas si des fois ils se rendent compte ce qu'ils sont en train de dire. وَمَبْتُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِهَذَا الطِّرَازِ وَمَبْتُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِهَذَا الطِّرَازِ مِنَ الْخِنْ فِي شَارِيِّينَ الذين تذببوا قبل أن يتحصرموا وأجابوا عن أسئلة الناس قبل أن ينهي الناس أسئلتهم سبحان الفتاح العليم قبل إنهاء السؤال أجابه إلى communauté été prouvée avec cette catégorie que certains de nous savons appellent khinfishariyin. Vous allez comprendre pourquoi ce terme khinfishariyin. Ceux qui sont devenus des raisins secs avant d'être des bourgeons dans leur arbre. Avant d'être des bourgeons, ils sont devenus des raisins secs. Quelle étape ils ont? Ils ont sauté l'étape de, d'être un bourgeon, hein, d'être une petite boule noire et de devenir un raisin avant de devenir sec. Toutes ces étapes-là, ils les ont sautées. Ça, c'est une expression, c'est les Arabes. Tazabbabu qabla an yatahasramu. Ils sont mis à la place. Ils ne l'auraient pas dû. Ils répondent aux gens sur leur question avant que les gens ne terminent la question. Gloire à Allah qui fait des ouvertures. Avant que la personne ne réponde, ne termine la question. Ouais, ça y est, termine. La réponse, elle est là. Hein? Ça tombe. Subhanallah. Wa tasma'u ba'd al-ijabat. أجاب بها بعضهم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين والمحدث الملهم لجمع لها أهل بدر كلهم يجمع لهم رضوان الله عليه أهل بدر كلهم أهل الخير كلهم يجمعهم ليستشيرهم وليأخذ منهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يجيب بدون تورع ولا يستحي أن يقول ها ويستحي أن يقول الناس عنه أنه لا يعرف شيء أو أنه لا يعلم تنتظر certaines réponses certaines réponses والله si tu les entends certaines réponses que certains ont donné par Allah qui n'est digne d'être adoré que lui et qui est le seul seigneur de ce monde, si ces questions ont été posées à Omar al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième khalif de cette communauté, hein, par Allah, il aurait réuni pour ces questions tous les gens de Badr radiallahu anhu, pour leur demander leur avis et pour demander ce qu'ils ont entendu du prophète alayhi salatu wasalam sur les situations avant de répondre. Et hada direct. Réponse directe. Et il a peur de dire je sais pas, ou là, il a honte de dire je sais pas, ou là les gens ils vont dire il sait pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui le pousse à les gérer? Est-ce qu'il a peur que les gens disent je ne sais pas, qu'il ne sait rien? ولا بزنتان يا أخي لا أدري. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي في واقعة من الواقعات وفي شيء. يا أخي قالها أنبياء الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي قالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقالها أئمة التابعين وأئمة العلم من بعدهم. خيرنا الله عز وجل je ne sais pas le prophète عليه الصلاة والسلام quand il connaissait pas la situation la résolution d'un problème il dit je ne sais pas jusqu'à ce que la révélation lui arrive. À ce moment là il donne quand il lui a posé la question sur l'art etc etc les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ont dit je ne sais pas. Les khalifs bien guidés ont dit je ne sais pas. Et ceux qui sont venus après eux et les imams parmi les successeurs et les compagnons ont dit je ne sais pas. فاسمع الى ابن الفاروق فاسمع الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين جاء رجل وسأله وقال يا أبا عبد الله أثرت العمة يا أبا عبد الله أثرت العمة. قال عبد الله بن عمر لا أدري اذهب إلى العلماء فاسألهم. الله أكبر. عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. فايكوت منتنا لفيز ديال الفاروق لفيز ديال عمر بن الخطاب وكي سي عبد الله بن عمر لان دي كاتخ عبادلة كي يغابورتي الفيز دي حديث لان دي زوم كي ساشغلي وسيلي دي بخوبت عليه الصلاة والسلام. Un jour, un homme est venu le voir, il était assis. Il a dit, ah ben, dis-là, est-ce que la tante irrite la tante du côté du père, l'amma, machine khala du côté de la maternelle, la tante paternelle, est-ce qu'il hérite? Est-ce qu'il a quelque chose dans l'héritage? Abdillah l'a regardé, il dit, je ne sais pas, va chez les savants, demande-leur. Va chez les savants, va demander aux savants. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضوان الله عليه أبا عبد الرحمن لا أدري je ne sais pas va voir les savants demande leur et là qu'est-ce qu'il y a comme le fond. فضرب الرجل على كف على كف أنت يا ابن عمر تقول لا أدري اذهب إلى العلماء فسألهم. قال نعم. فلما انصرف الرجل عن عبد الله بن عمر اخذ عبد الله بن عمر يده فقبلها وقال نعم ما قال ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا ادري. نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. يا الله باش تعدك النفس قتلها ما أسد عليها ما أسد عليها فين غادي لوم سيطولي إلى تقي لمن دولا من أوه عبد الله بن عمر سيطوا توا تجي فضوغ لسابو توا تجي جو نسيبا إلي دي وي نعم وي فضوغ لسابو جو نسيبا. قلت لوم est parti. Abdullah ibn Omar a pris sa main, il l'a embrassé. Il a dit Bini ce qu'a dit Abu Abd al-Rahman. On lui a posé la question sur des choses qu'il ne sait pas, il a dit je ne sais pas. Ce sont neuf, c'est pas elle qui va commander. C'est d'aller. Leçon, regardez leurs paroles, leurs gestes, que des leçons. Mais kawaii, zid. Voilà. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala vous. سبيل المؤمنين لاتباع بإحسان لأنه كله بيان يدودهم يقوم بيان احنا ونباس اسكو غير ما on lit la biographie de ces hommes, on se penche sur leur vie, on regarde leurs paroles et leurs paroles il faut les méditer parce que c'est des lanternes pour la compréhension, c'est les lanternes sur la voie à suivre, c'est nos phares. الله أكبر. والله ما ابتليت أمة الإسلام بمصيبة أكثر من ابتلائها بهؤلاء الخنفشاريين الذين يفتون في كل شيء ويقولون في كل شيء ولا يتورعون أن يقولوا لا إبن. La plus grande des catastrophes qui arrivent à cette communauté, et la plus grande des preuves, il est prouvé par ce genre de khinfishariin qui répondent à toutes choses et qui veulent savoir toutes choses. Ils ne se maîtrisent pas. Même les choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils répondent et ils parlent. Ils ne savent pas dire je ne sais pas. ومن أعجب ما قرأت في هذا أن رجلا كان يفتي الناس في كل شيء ويجيب على أي مسألة، فأراد بعض أهل الخير أن يبينوا للناس خطره فذهبوا إليه وقد اختلقوا كلمة لا أصل لها، وقالوا له يا شيخ ما تقول في الخنفشار، يا شيخ ما تقول، كلمة لا أصل لها إلى حد الساعة، ما تقول في الخنفشار؟ لذا بعض أهل العلم والفضل يسمي هذا النوع الذي يجيب على كل ما يسأل فيه والذي لا يتورع يسميه بالخنفشاريين نسبة إلى هذا السؤال. Des choses extraordinaires que j'ai pu dire. Un homme faisait répondre à tout, donner des verdicts dans tout. Et des gens de bien voulaient montrer que cet homme-là, il n'est pas dans le bien, qu'il est, c'est un danger. Ils ont inventé un mot, khinfishar. Ce mot n'existe pas. Ils l'ont inventé, khinfishar. Et ils lui ont posé cette question. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que certains nombres de sciences disent, appelle ce genre de bonhomme, ils les appellent khinfishariyin. Hein? Il les attribue à cette question-là, qui est la suivante. مَا تَقُولُ فِي الْخِنْفِشَارِ وَهَذِي كَلِمَةُ اللَّهِ أَصْلَ لَهَا كَوَّنُوهَا مِنْ أَوَّلِ حَرْفٍ مِنْ إِسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. أول حرف أخذوا الأحرف الأبجدية وكل اسم لواحد منه ده أخذوا منه الحرف الأول فجعلوه فأعطاهم كلمة خنفشار، كلمة لا أصل لها، كلمة مولودة لتوها في قوامس اللغة لا توجد على وجه الأرض، لا توجد، ولكن الرجل يعلم ما فوق الثرى وما تحت الثرى، يعلم ما فوق الأرض وما تحت الأرض. الرجل ce mot lui ont dit qu'est-ce que tu dis pour le qu'est-ce que tu nous dis qu'est-ce que tu as à nous dire sur le khinfishar, pourtant ce mot n'existe pas. Ce mot il est le tout simplement, ils étaient un certain nombre, ils ont pris de chaque nom la première lettre et ils l'ont mis, il se leur a donné khinfishar. Chacun d'eux a pris de son prénom, de son nom de famille, la première lettre, il l'a mise, et une après l'autre il l'a trouvé, ils se sont retrouvés avec le mot khinfishar. Aucun dictionnaire ne le contient, aucun dictionnaire. Grand Robert et le petit Robert, ça n'existe pas. Le Kamos le Mohet, ça n'existe pas. Le mot vient d'être inventé. Mais l'homme, il sait ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a dans la terre. Qalanan, al-Khimfisha, Nabtun Tayyibur Ra'iha, Yalbutu fi Atrafi al-Yaman, wahum bil-Hijaz. Hatta la yadhhab ahad al yabhath. قال ينبت في اليمن ضد الرجل هك. إذا أكلته الإبل عقد لبنها كما قال الشاعر، دليل كما قال الشاعر، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني الدليل يا مسكين، أنا أرى الشيطان تاعو مزيان في الأبواب. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يلا والرجل مسكت. وقال أبو داود كذا في الخنفشار، وقال الترمذي كذا في الخنفشار، وقال فيه فلان كذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يا الله. فقام أحدهم فقال: اسكت يا كذاب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le bonhomme, il connaît même pas le mot, il vient d'exister. Il a dit le khinfishar, c'est une plante, c'est une bonne plante qui pousse dans les extrêmes du Yémen, parce qu'ils étaient au Hijaz, ils étaient en Arabie. La personne ne va chercher. Il pousse les extrêmes du Yémen, quand les chameaux le mangent, il rend solide, il solidifie le lait des chamelles. Et le poète a dit la preuve. Qu'est-ce que vous dites, j'ai la preuve. Votre amour a noué mon cœur comme le khinfishar le lait. C'est-à-dire comment ils rendent solide le lait. Et alors, délit, direct. Et si le bonhomme s'est arrêté là, Yavon Daoud a dit dans le khinfishar ceci. Et Tirmidhi a dit ceci. Foulal a dit ceci. Et après il a dit. Wakhara Rasulullah, et Rasulullah aussi a dit cela. Et les hommes, ils ont du bien, le peuple se retenir. Tais-toi, ô menteur. Tu as menti sur tout cela. Et tu mens sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Tais-toi. Vous voyez un petit peu. Parce qu'après la porte est ouverte, t'as tout compte. Dada, il n'est pas maîtrisé. Ça, c'est débit. Et après, ça y est. Là. Une derrière l'autre. Et dans ces cas-là, Shaitan, comme dans ce cas-là, eh bien, il aide. ووالله ما ابتليت أمة الإسلام عامة والشباب خاصة بلاء أعظم من ابتلاء هؤلاء الخنفشاريين الذين تزدبوا قبل أن يتحصرموا وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. Par Allah, que la communauté n'a pas été éprouvée. En général, et les jeunes en particulier, comme ils sont éprouvés par cette catégorie de khinfishariyin, qui sont devenus des raisins secs avant d'être des bourgeons dans la vigne, et qui prétendent la science avant d'avoir appris. Wa rahim Allahu man qal law sakata man la ya'lam la saqata al khilaf. Allahu akbar. Il faqat iskut dak li ma ta'rif al khilaf mish hada. Fa hada min a'zam wa ajall al durus التي نستفيدها من إمامنا وقدوتنا مالك بن أنس وهو قولنا لا ندري أن نتعلم أن نقول لا ندري. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est ce saint visage encore, celui qui dit si ceux qui ne savent pas se taisent et retient leur langue, la divergence va tomber, il y aura plus de divergence. Si ceux qui ne savent pas la ferment, ils ne parlent pas, donc ils ne savent pas, la divergence va se terminer, va s'anéantir. Et ça, par Allah, c'est de dire je ne sais pas, c'est la plus grande des leçons que nous devons apprendre de notre imam, imam Malik, rahmatullah alayh. Fal imam Malik, sahib hadhihi al-makanati al-samiqati al-aliya bayna al-ulama wal-umara wal-khulafa, yu'allimuna an naqula la nadri. Wallahi la uhsinu al-jawab. Imam Malik, qui a cette place chez les hommes de science, et sa grande place, c'est les gouverneurs et c'est les khalifs de son époque, nous apprend cette phrase. Je ne sais pas. Je ne sais pas bien répondre à ta question. Je ne sais pas. وَهَكَدَ يَوَا الْإِخْوَةُ فِي اللَّهِ مُحَدِّلُنَا رَسُولُنَا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وصحح الحديث أسد السنة وإمامها في هذا الزمان الإمام الفذ في نوعه القدوة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار فهو في النار لا يعلم بالله. Et ainsi aussi notre prophète nous avertit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, rahmatullah alayhi, Ibn Majah, ou le Bayhaqi, rahimahumullah, jami'an. Le hadith a été authentifié par le lion de la Sunna et l'imam de cette communauté, l'imam contemporain de cette communauté, l'unique dans son genre. L'exemple, Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, dans Sahih Targhib ou Targhib, il fait authentique ce hadith. Le hadith de Ka'b ibn Malik, que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, c'est celui qui apprend la science pour se montrer controversé avec les savants, ou pour se montrer et se quereller avec les insensés, ou pour que les gens se tournent vers lui, qu'il soit le point de mire et que les gens disent ah, celui-là est pour l'enfer, celui-là est pour l'enfer. Adam billah. ومن اقوال امامنا مالك العظيمه التي صارت اصلا من اصول اهل السنه والجماعه جاء رجل الى مالك في مجلسه فقال Et parmi les nobles paroles et les paroles géantes de l'imam Malik, paroles qui sont devenues une règle chez les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna dans un sujet très dangereux qui concerne l'aqida, qui concerne les croyances, et qui concerne Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Un homme est arrivé vers l'imam Malik. هذا رجل يأتي الإمام مالك ويقول يا أبا عبد الله قال تعالى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى فغضب الإمام وعلاه العرق تكب عليه العرق غضب وتكب عليه العرق ونظر إلى الرجل وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية والكيف غير معقول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج وصارت هذه القولة للإمام مالك رحمه الله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في مبحث خطير من مباحث الأسماء والصفات التي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام قاعدة في مبحث خطير ضلت فيه فرق من هذه الأمة وأفهام زلة وأقدام زلة وكلمة الإمام مالك قاعدة voici une noble parole de l'imam Malik. Un homme est arrivé dans la fille de l'imam Malik. Il lui a dit Ya Aba Abdillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit le clément est élevé au-dessus du trône. Élevé au-dessus du trône, c'est-à-dire au-dessus de tout. Hein? Comment est cette élévation? Comment il en est de cette élévation? Il demande le comment de l'attribut. Il demande pas la signification de l'élévation. Il demande le comment de l'attribut. Imam Malik, la colère l'a pris. Et les sueurs sont tombées sur lui. La sueur est tombée sur l'imam Malik. Il a dit l'élévation est connue. C'est-à-dire dans le langage des Arabes, tout le monde sait ce que c'est que l'élévation. Mais le comment est ignoré. Et les raisons ne peuvent, dans une autre version, ignorer ici, ça veut dire que les raisons humaines ne peuvent pas le capter. Il est ignoré des humains, le comment de l'élévation. Et la raison humaine ne peut pas le capter. Et le fait d'y croire, de croire en l'élévation d'Allah au-dessus de tout, c'est une obligation. Le fait de poser des questions, c'est une innovation. C'est-à-dire le fait de poser des questions sur le comment de cet attribut, c'est une innovation. Et je vois que tu es Sahib Bid'a. Il n'y a pas du mot Kadir, innovateur, parce que là c'est dangereux. Il a dit juste Sahib Bid'a. Et il a donné l'ordre qu'on le jette dehors, qu'on le prend, qu'on le sort dehors de la ville. Hein? Sachez que l'imam Malik, il avait des gardes du corps, pas des gardes du corps. Non. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il demande qu'il le sorte. Une innovation, quoi que ce soit. Il est arrivé une histoire avec Bnou Mahdi rahimahullah, Cheikh l'imam Ahmed. Bnou Mahdi, il arrive dans la mosquée du Prophète alayhi salatu wassalam au rond. Il arrive comme fait un parmi nous, il enlève sa cape qu'il a sur lui, il la met devant lui. Tout le monde dans le rond a regardé qu'est-ce qui se passe. Et Imam Malik, quand ils ont terminé, il a dit, prenez-le, mettez-le en prison. Bnou Mahdi va aller en prison. Bnou Mahdi est jeté en prison par Imam Malik, rahmatullah alayhi. Et quand il est allé le voir, il l'a ramené de prison à l'imam Malik. Il dit, qu'est-ce que tu as fait dans la mosquée? Qu'est-ce que c'est que cet acte d'innovation que tu as immé dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam? Il est à tel point, il a posé son vêtement devant. Mais à tel point, l'imam Malik ne voulait pas qu'une innovation arrive dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne savait pas qui était Ibn Mahdi. Après, on lui a dit, si Ibn Mahdi, on lui a dit, ramenez-le. Il lui a dit, qu'est-ce qui est. T'as fait dans la mosquée. C'est quoi cet acte nouveau que tu mets dans notre mosquée? Il avait une armée. Aussi. Pas une armée. Des gens qui l'accompagnent, qui sont là, et quand ils donnent l'ordre, prenez-le, direct. Un commerçant, il vend du vinaigre. Et à la mort de l'imam Malik, il a commencé à tricher. Et un compagnon avec lui, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, ça y est, l'imam Malik, il n'est plus là. Se dire. Hein. On le craignait. Hein. Et il avait une autorité. Hein. Ainsi les hommes de science. Hein, ils ont cette prestance, cette. Hein. Et là, quand le bonhomme a posé une question sur là où il ne fallait pas aller, la signification de la tribu, le comment de la tribu, la situation est dangereuse. Il lui a répondu. Et il a dit, je vois. Quand tu es quelqu'un qui est tombé dans le bid'ah, tu n'es pas un innovateur, tu es quelqu'un qui est tombé dans le bid'ah, ça arrive bid'ah. Il a donné l'ordre, on l'a sorti de la mosquée. On l'a éloigné de la mosquée. Leçon. Leçon. Pour que personne parmi ceux qui étaient là n'ose poser ce genre de questions. Pour que tout le monde se rende compte. Et même lui, alors c'est un conseil pour lui, c'est un bien pour lui, parce que lui, il va se rendre compte. Hein? Il va se rendre compte, il va se revenir à. Hein? C'est un bien pour lui, pour tout le monde. Donc on ne va pas là où il ne faut pas. Il faut s'arrêter à ses limites. Il y a des choses. Hein? C'est ça, tu ne peux pas. Il s'agit d'Allah, Azzawajal, tu t'arrêtes là où les plus jeunes se sont arrêtés. Tu t'arrêtes là où tu as arrêté la parole d'Allah, Azzawajal, et la sunna au-dessus du prophète, alayhi salatu wassalam. Point final. Hein? Parce que le sujet des noms et des attributs, beaucoup de groupes se sont égarés dans la communauté dans ce sujet-là. Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Jahmiya, etc. Ils ne croient pas que ça c'est des noms anciens. Ils ont leurs poussins. Chaque groupe a ses héritiers. Et comme je disais ce matin, des fois dans une personne, tu te retrouves avec tous les groupes. Tu lui poses une question là, tu te retrouves avec un esprit de l'Khawarij. Tu lui poses une question là, ben le voile est devenu morge. Tu lui poses une question là, le voile est devenu Ash'ari. Tu lui poses une question là, le voile te fait marcher la raison. Le voile est devenu Mu'tazili, etc. Tu sais plus où tu es. Et lui, il ne sait pas qu'il est dedans. Alors, son problème, c'est que lui, il ne sait pas qu'il a tourné dans tout la pensée du groupe Igaïla, parce qu'il ne le sait pas. Il faut dire que ces groupes, c'est terminé. Là, c'est pas terminé. S'ils sont terminés, pourquoi Ibn Hazm te laisse 8 hommes sur les groupes? Hein? Pourquoi Shahrastani il va se casser la tête, il livre sur les groupes? Hein? Etc. Il a dit, non, finit pas. Pourquoi maintenant dans tous les programmes des universités d'Indinon, dans Shahbat Dawa, une branche qui s'appelle une matière qui s'appelle les groupes. C'est pour perdre du temps, là, qui vient. Là, c'est pour voir. Parce que quand tu connais la voie des égarés, tu dis, il faut. C'est la fin de la zone. Tawhid ou shirk. Sunna ou bid'a. Et ainsi de suite. Al-sunna ou jama, al-furqa ou al-ahwa. Ah, la même chose. Hein? Ça, من أقواله الجليلة رحمة الله عليه التي ترسخ المنهج الذي يجب أن يكون عليه المسلمون من الابتعاد عن التعصب المذهبي وترك آراء وأقوال فقهاء الإمام وعلماء المذهب إن خالفت النصوص. فهذه القولة لكل متعصب ولكل من يقول أنا مالكي ومالك كذا. يقول الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة منهجية عظيمة التمسك بها سلامة لدين المرأة. ها cette règle est une règle géante qui fait partie de ces nobles paroles de l'imam Malik rahmatullah alayh, qui ancre dans l'esprit des musulmans la voie, qui leur montre le chemin et qui les interpelle à ne pas être des sectaires à l'imam, aux paroles de l'imam. Elle est maliki, je le fais parce qu'elle a le mdhab, il dit ça. لا يا أخي الإسلام ولا تفكر السابون ديال المهدي سا لا يا أخي الإسلام même si la parole qu'il te cite là sur laquelle vous êtes en train de discuter est en compte est en divergence ou là elle est l'opposé des textes il a la main bah هذا il faut qu'il écoute la parole s'il dit que je suis maliki il faut qu'il écoute la parole de l'imam Malik. L'imam Malik il dit de tout un chacun on prend et on rejette, on refute. De tout un chacun on prend et on refute. Sauf le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tout homme, on prend de lui ce qui est bon et ce qui va avec les textes et avec la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui va à l'encontre de la parole d'Allah, de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de la voix des plus aïeuls, on lui rejette. Sauf le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a épargné de l'erreur. Hein? Et que les autres imams, savants et autres, ils ont leur place dans le cœur, ils ont leur place dans la communauté, etc. Ils ont le respect qui leur est dû. Hein? Mais quand leurs paroles sont en divergence avec la parole d'Allah, et la sunna de son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leur parole est mise de côté. Comme il a dit, l'imam Malik, quand, hein, il est en divergence avec le hadith, ma parole, plaque-la contre le mur. Et certains contemporains disent, plaque-la contre le mur et rajoute dessus du ciment pour qu'il ne ressorte pas. Hein? Rajoute dessus du ciment. Enfin, c'est une leçon, c'est une règle. Et les paroles de l'épisode d'Allah, il y a que des règles à retenir. Hein? Pour ne pas... Parce que, qu'est-ce que ça nous montre, cette règle? Pour ne pas s'attacher à quelqu'un ou aux paroles de quelqu'un. Là, il ne t'attache pas à lui. Attache-toi à la vérité qu'il était en train de dire. Aime-le pour Allah, Azza wa Jal, etc. Respecte-le comme il se doit. Mais dès qu'il s'agit de la sunna de ton prophète, alayhi wa sallam, il s'agit de la religion, ça y est. Lâche. Lâche. Lâche, sinon tu vas être sectaire pour lui. Tu vas mordre lui parce que sa parole est en divergence avec le prophète, et toi tu vas là. Et qu'ils ont demandé de revenir. Et en plus, le fait que tu reviens, là, tu lui rends service à lui. Et tu mets en application ce qu'il t'a demandé de mettre en application. Et même Malik, il le dit, il doit faire le hadith ou faire un dhabi. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Donc moi, si je me dis Maliki, et j'ai un hadith, il est même Malik, il a donné un verdict qui va à l'encontre de ce hadith authentique, authentifié par les hommes de science, etc. Et moi, je prends ce hadith, je le mets en application. En réalité, j'ai obéi à l'imam Malik et j'ai suivi le chemin de l'imam Malik. Et j'ai pas été en divergence avec l'imam Malik, loin de là. J'étais dans sa voix parce qu'il m'a dit, dans ses paroles, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le conseil qu'il m'a donné. Et j'ai pris la voix. Et j'ai pris la parole du prophète alayhi sallam. Et j'ai laissé de côté la parole de l'imam Malik parce que c'est ce qu'il m'a orienté. C'est vers cette voie-là qu'il nous a orienté, radhiyallahu anhu. Là, le fait. Là, il faut. Et dans notre tête, il vient. Dès qu'on met de côté une parole faible ou là quelque chose une opinion faible qui ne va pas avec la preuve de côté d'un imam, que les savants la mettent de côté, qu'est-ce que vous faites, etc. Et tout. Yahé, là, il y a une grande différence entre donner l'importance à l'imam, donner l'importance aux savants, et le fait de rejeter et de ne pas attribuer à Rasoul Allah le fils ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il n'a pas ordonné. Il y a une grande différence. Hein? Alors, c'est pas parce que ils mettent ce verdict-là de l'imam de côté que ça y est, ils le mettent dans le plaque. Là, là, loin de là. Loin de là. Et c'est là où le hic, dans la tête du commun des musulmans, c'est là où il est le hic. Hein? Qui c'est celui-là pour hein, rendre faible cette parole et pour contrer ça et pour contrer ça. Voilà d'autres, là, ils vont plus loin, c'est juste pour hein, vendre son livre à lui qui vient d'écrire. J'ai entendu d'un imam au bled. Et c'était dans un coin et je l'entends parler à des jeunes. Il dit haoula. Ibn Taymiyyah il est venu, il a critiqué celui-là, etc. Après Ibn Taymiyyah, il y a quelqu'un, il est venu le critiquer, etc. Après il est venu Al-Ghazali. Et Ibn Taymiyyah a critiqué Ihya al-Ulum, Ukada, et cela ils ont critiqué. Et Sheikh Nasr a critiqué, etc. Et dans le livre où il critique, il dit le hadith est authentifié dans l'Irwa. Et il dit chauffe ou est-ce que je il dit c'est juste pour vendre son livre. On met de côté l'Ihya, on met de côté Hada. Hada, il pensait comme ça. Juste pour vendre son livre à lui. Subhanallah. À ce point-là, ils sont arrivés. Pourquoi? Ta'assub. Parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre eux, le fait d'aimer l'imam et de le respecter, et le fait de prendre l'authentique du prophète, alayhi salam. Ils n'ont pas fait cette différence, donc ils tombent dans ce livre. Ils tombent dans ce truc-là. Wa alaykum salam. حسين ثم ركعتين ان شاء الله بارك الله donc prendre cette parole de l'imam comme règle c'est être qui est dans sa religion c'est prendre la voie sûre et être en sécurité dans la religion de l'Azza wa Jal والبعض عندما يسمع ردود أهل العلم وبيان أخطاء المخالفين المدعمة بالدليل والحجة والبرهان يدفعه التعصب إلى الطعن في العلماء المحققين الناصحين للأمة فإذا سكت الربانيون من هذه الأمة ومن أهل العلم من يدافع عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنبأ أهل الإسلام لا تعصب إلا للمعصوم عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله سبحانه وتعالى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فله العصمة من الله عز وجل certains quand ils entendent les répliques des hommes de science quand ils refutent les erreurs de ceux qui s'entendent divergence avec la sunna le sectarisme les pousse à dénigrer les savants et à parler sur eux à dénigrer les authentificateurs et les conseillers de cette communauté. Si ces conseillers de la communauté, si ces hommes de science qui en sont dignes et qui font partie dans leur croyance, dans leur voix, de la voix de l'épuisé, de Allah alayhi, si ils ne parlent pas, qui va parler? Qui va défendre la voix du prophète alayhi salam? Qui va montrer le faux du vrai? Sinon eux. Sinon ni moi ni toi, c'est eux. Faire très attention à ça. Il ne faut pas être sectaire. On suit aveuglément le prophète alayhi salam parce que tout ce qui est venu authentiquement du prophète alayhi salam, on mord dessus. Avec nos molaires, avec tout ce que nous pouvons. Et on prie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a épargné de l'erreur. Et on suit sa voix, il est épargné de l'erreur. Mais les êtres humains, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des êtres humains. Ils voient juste et des fois, c'est faux. Il voit juste, des fois il voit, il faut. Hein? والآن أنتقل بكم من الكلام عن موطأ الإمام مالك. مالك الذي هذا الموطأ الذي أراد بعض الخلفاء أن يلزموا به الناس. Maintenant, nous allons parler un petit peu. Le موطأ, ce livre de l'imam Malik. Ce livre, que certains khulafa, trois parmi les khulafa de Banu al-Abbas, rahimahumullah, trois de ces khulafa ont voulu que ce livre soit le livre sur lequel toute la communauté tourne autour de ce livre. Et qu'il n'y ait que ce livre dans la législation, dans tous les pays de l'islam. Mais Imam Malik, on l'a bien refusé. يقول العلماء أن الموطأ سمي موطأ لأمرين. الأول أنه وطأ أي يسر وسهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإمام مالك عرضه على 70 فقيها من فقهاء أهل المدينة فواطؤوه على صحته وسماه الموطأ. أين الذين يكتبون وكتبهم لم يراها طالب علم راسخ فضلا عن عالم 70 فقيها من فقهاء الأمة فواطؤوه عليه. Les hommes de science disent le Muwatta, il a été appelé le Muwatta pour deux raisons. La première, c'est que Wata al-Hadith, il a rendu facile le Hadith. Il y a le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième raison, c'est que l'imam Malik, il l'a exposé à 70 faqih, 70 savants, parmi Fuqaha al-Madina. Et ils ont été d'accord avec lui. Enfin, Wata'o Alain. Ils ont été d'accord sur la validité de ce qu'il y a dans le Muwatta. C'est pour ça qu'il l'a appelé le Muwatta. Maintenant, Imam Malik, avec la grandeur qu'il a acquis au niveau de la science et la grande science qu'il a, son livre, il le donne à 70 savants pour le voir. Elles sont ceux qui écrivent en français sur du sujet. Wallah. Peu d'imams ont écrit sur ce sujet. Et leur livre, et ils écrivent en cette langue de français, et leur livre n'a pas été lu par un demandeur de science confirmé, et encore moins lu par un savant. On sent-il de ça? Malik, dans ce livre, a 70 savants. Nos contemporains, Malik mis dans une version 40 ans pour faire son Muwatta. Des dizaines de milliers de hadiths, et il les fait tomber les uns après les autres après authentification jusqu'à ce qu'on est resté avec je ne sais plus combien il y a dedans. 10 000, et après il les fait tomber les uns après les autres par l'authentification pour laisser tel qu'il est maintenant. Hein? 40 ans. Et Hada, à 23 ans, ou là à 25 ans, il écrit dans un sujet, et sur un sujet, peu de grands parmi la communauté ont écrit sur ce sujet. Tel l'abandon de la prière. La situation est grave. Et très très grave. Ce n'est pas. Sinon, la porte est ouverte à tout, on fait n'importe quoi dans la religion de base. C'est tout. C'est une épreuve pour la jeunesse de la communauté, tout ça. Cette audace, c'est une épreuve. Parce que moi qui te prends comme exemple, qu'est-ce qui va arriver après? Je vais avoir la même audace que toi. Et l'autre, et l'autre. Et combien on aura, combien comme ça, après? فهذا كذلك من الدروس الذي يستفيده كل من أراد أن يقدم للشباب خاصة وللأمة عامة بحثا من البحوث أو دراسة من الدراسات أن يدفع لأهل العلم يراجعوها ويصححوها ويوجهوه فهذا دعوة أهل العلم قديما وحديثا وها هي كتبهم تشهد على هذا. Et ça, c'est une leçon aussi que nous devons retenir, que tous ceux qui veulent présenter une recherche dans un sujet quelconque dans la religion, hein, ou là traiter un sujet dans la religion et l'écrire et le présenter à la communauté, et voir après qu'ils aient préparé cette recherche et c'est leur écrit, de le donner à un homme de science ou à des hommes de science pour le corriger, pour le réviser, l'authentifier, leur donner des orientations et enlever les choubouats qu'il peut y avoir dedans, les erreurs qu'il y a dedans. Car ça, c'est la voie de le plus d'ailleurs dans la harem. Et les hommes de science, dans les temps anciens et contemporains, sont sur cette voie-là. Docteur Rabin, prends n'importe quel livre, sur les livres que tu veux. La préface est de qui? Fawzan. Prends. Menhaj al-Anbiya al-Dawa ila Allah. Et ainsi de suite. Parce que tous ces livres sont préfacés, élus et préfacés par Cheikh Abdel Malik Ramadani. Son livre à la Madarik al-Nadar, le livre qu'il a fait sur les événements d'Algérie, etc. Combien parmi les grands de la communauté est passé chez qui? Chez combien parmi les grands de cette communauté? Parle pas des grands. Cheikh Abdel Malik al-Abbad et Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Il y a des écrits à eux. Et on a monté sur Cheikh Abdel Mohsin Labbad, on a dit qu'il ne l'a pas lu. La question est arrivée à lui. Il a re-authentifié dans la demi, il a dit je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Deux montagnes qui ont lu son livre. Et plus les autres. Alors, c'était que ceux qui sont connus, qui sont une révérence pour la communauté maintenant. Cheikh Abdel Mohsin Labbad, Mohsin al-Madina, et Cheikh Nasr Abdel Albani, imam ou ahli sunnati, bihaqin fi hada zaman. ومحدثها بحق كما ça c'est la voie. Alors si nous on dit comment on prouve notre suivi, c'est en agissant ainsi, c'est ce qui prouve notre suivi, ce n'est pas le fait de dire, c'est nos actes qui le prouvent. C'est ça, c'est voilà, tout le monde prétend, hein. Tout le monde prétend. Beaucoup ont prétendu des choses. Mais chaque prétendant doit ramener sa preuve. Ma preuve à moi et à toi. Quand on dit on est sur la voie de l'accusable d'Allah Alem, c'est que les actes doivent suivre. Dans n'importe quel domaine, nos actes doivent être compatibles avec cette parole et avec notre appartenance. C'est une noble appartenance. Et il est demandé à chacun de prendre ce chemin. C'est pas quelque chose d'un surplus. Alors il est demandé à tous les musulmans de rentrer dans cette voie-là. La voie du puiseur d'Allah Alim. C'est la voie que la Fana a agréée. Hein? C'est pas. C'est une obligation. Mais quand on vient de. On parle et on sait ce que. Ce qui est compatible avec cette voie, au niveau de notre comportement, etc., etc. والموطا إخوة الإسلام يشتمل على كم من كبير من أحاديث رسول الله وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أهل العلم من بعدهم. الموطا هي الإمام مالك contient beaucoup de hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Beaucoup de paroles des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de paroles des tabi'in, des successeurs du prophète alayhi salatu wassalam et des hommes de science de cette époque avant Imam Malik. Wal muwatta yashtamil ala al balaghat wa hiya qawl al Imam Malik balaghani kada wa yashtamil ala al ahadith al mursala wal munsnada wal munqati'a wa ghayriha. Al mursal والمنقطع هذا من باب ضعيف وفيه في الموطا احاديث ضعيفه نعم في احاديث مرسله نعم في احاديث منقطعه نعم فحالا هي قليله وللعلماء ضوابط في قبول الحديث المرسل وفي عدم قبوله وفي المسنده التي هي سندها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت الإمام مالك عندما يقول الإمام بلغني عن كذلك بلغة الإمام مالك موجودة في الموطأ. الموطأ contient ce qu'on appelle le balagat, c'est-à-dire quand l'imam Malik il dit il m'a été rapporté. Balagan, il m'a été transmis. Deux. Et il y a des hadiths mursal, les hadiths mursal et des hadiths munqati', ils font partie des catégories des hadiths da'if. Il y a des hadiths da'if dans le Muwatta, oui, les authentificateurs ont montré les hadiths, les peu de hadiths da'if qu'il y a dans le Muwatta. Le hadith mursal, les hommes de science ont des conditions pour l'accepter, etc. Donc, ça c'est. Tout ça est contenu. Ça fait partie de la sunna. Ce qui a été rapporté à lui à son époque est contenu. Il l'a contenu dans son Muwatta. Une partie de ce que lui savait. ابن عبد البر ولي الموطأ شروح كثيرة ومن أهمها الاستدراك والتمهيد لعالم الأندلس والمغرب. المغرب هذا شمال إفريقيا والأندلس عندك. أيوة المغرب العربي الكبير يقول هذا لا تحاول يقول لا هذا للمسلمين عالم من علماء المسلمين. ابن عبد البر رحمه الله النميري له شرح نافع على على على على على الموطأ التمهيد وله الاستدراك كذلك وكذلك على الموطأ شرحين وله رسالة وصل فيها كل ما أرسل كل ما هو منقطع في الموطأ وكل ما أرسله الإمام مالك. وفيه كذلك شروح أخرى على الموطأ. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى من أنفسها شرح ولي الله الدهلوي رحمه الله وهو شرح المتوسط في صغير الحجم في مجلدين. وفي شرط آخر كذلك متوسط في 4 أو 5 مجلدات هو شرح الزرقاني على موطأ إمام مالك. Donc au niveau de, il y a plus pour vous donner l'importance que les hommes de science se sont beaucoup occupés de la de l'imam Malik du Muwatta de l'imam Malik. Il y a plus de 100 livres qui expliquent ce qu'il y a dans Muwatta Imam Malik. Parmi les meilleurs, on cite celui de l'imam Ibn Abd al-Barr Rahimahullah, qui est l'un des imams du Maghreb et de l'Andalousie. Il a deux explications dessus, Tamhid et les Sidkar. Ils sont énormes. Il y a Cheikh Abdelkrim al-Khubayr, Hafidhahullah Ta'ala, qui dans son interprétation de l'Muwatta, il cite certaines explications de l'Muwatta qui sont très importantes. Il cite celle de Waliullah Dahlawi, Rahimahullah, qui est en 2 tomes, c'est-à-dire c'est un petit. Il cite aussi celui de Zurqani, Rahimahullah, qui est à peu près en 5 tomes, un moyen. Et en ce qui concerne les hadiths faibles et les hadiths mursal et munqati', et ce qu'a dit l'imam Malik, il m'a été rapporté d'un homme de confiance. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, il aura réservé un fascicule où il a fait la liaison, où il a recréé les chaînes de transmission de tout ce genre de, qui sont à peu près 61. 61 entre hadith et paroles, etc. Balagat, Musnad, Mursal. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, il les a réservé tout un fascicule dans lequel il a ressouder les chaînes de transmission. D'accord. Ça te prouve plus de 100 explications d'El Muwatta. Parmi elles, il y a certains qui sont nombreux. Par exemple, le Kandahlawi, il a fait Aujaz al-Masalik et la Muwatta al-Imam Malik en 15 tomes. Et c'était une excellence. Il fait partie des interprétations excellentes de Mouatta d'Imam Malik. Et on a d'autres. Ça, ça te prouve l'importance de, que les hommes de science se sont occupés de Mouatta. Et dernièrement, il a apparu dans les librairies un travail colossal de Cheikh Salim qui a réuni les 8 versions. Il y a 8 versions d'Al-Muwatta, il les a réunies en 5 tomes avec l'authentification. Oh non. Essayons de. Et là, il existe maintenant. Pour la première fois qu'il voit le jour, ce travail énorme. Hein? Puisqu'il y a la version rapportée par Yahya et la version par ceux qui ont. Salim Hilali, il a fait un travail colosse en les réunissant dans un dernier de ses travaux en 4-5 tomes. Des gros tomes. Hein? وإذا قال الشافعي رحمه الله عن الموطأ لا يوجد على وجه الأرض كتاب بعد كتاب الله صح من كتاب مالك رحمه الله إمام الشافعي avant l'existence ديال صحيح البخاري il a dit cette parole il a dit il n'existe pas sur la terre un livre sûr et authentique après le livre d'Allah عز وجل كل موطأ هذا الشافعي رحمه الله قال الحافظان الذهبي وابن الصلاح رحمهم الله قال الشافعي كلمته هاته قبل أن يؤلف الصحيحين فإن الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل les mémorisateurs de la communauté الذهبي وابن الصلاح رحمهم الله ils ont dit الشافعي a dit cette parole avant l'existence des deux authentiques, à savoir l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim. Et il dit ça, ce sont les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah Azza wa Jalla sur terre. Et l'unanimité de la communauté sur ça, et le Bukhari passe en premier, après vient muslim. Et certains savants mettent notamment les Maghrébins mettent Muslim en premier pour la perfection, pour l'industrialité du hadith qui est très perfectionné dans Muslim. Les chapitres, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a un poète qui dit Wafaqa Muslimun fi sunaati al-Bukhari. Ça, c'est les Maghrébins. Pour eux, ça, les savants d'Andalousie, etc., Muslim passe avant le Bukhari. Mais ceci ne gêne rien. Ils sont celles-ci, ce sont deux authentiques. Hein? لماذا يقول أهل العلم كل هذا أن البخاري ومسلم أصح من الموطأ؟ لأن الموطأ يشتمل على أحاديث ضعيفة كما مر معنا سواء مسندتان أو مرسلتان أو منقطعتان وعلى البلاغات وهذا يقول أهل العلم ليس بنقص للموطأ ولا للإمام مالك رحمة الله عليه وما فيه من الضعيف معدود على الأصابع ورحم الله من قال أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه Pourquoi les authentificateurs de cette communauté ont dit que les plus authentiques livres du hadith se tairent après, après le Coran et la parole d'Allah Azza wa Jal, ce sont le Bukhari et le Muslim. Parce que dans le Muwatta, il y a des hadiths faibles, il y a des hadiths qui sont avec leur chaîne de transmission et autres, etc. Comme nous l'avons vu, il y a des balaghat, etc. Et ceci n'est pas un dénigrement pour le Muwatta de l'imam Malik, n'est pas une diminution de l'imam Malik, loin de là. Car ce qu'il y a comme faible dans le Muwatta, il compte sur les doigts de la main. Et il est compté sur les doigts de la main. Et Allah subhanahu wa ta'ala a refusé qu'une œuvre soit complète à part son œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala et ce saint miséricorde, Cheikh Al-Uthaymeen, qui répétait toujours cette parole. Allah a refusé qu'un livre soit complet à part son livre. رحمة الله على شيخنا العثيمين. وقد روى الموطأ عن الإمام مالك خلق كثير من أهل العلم، وكذا شرحه كما رأينا جم غفير من أهل العلم، وشروحه تزيد على 100 شرح. الموطأ était transmis par beaucoup d'hommes de science. Un grand nombre d'hommes de science ont transmis le Muwatta. Ainsi, les livres qui ont expliqué le Muwatta sont nombreux. Ils dépassent les 100, plus de 100. من أوسع الاستدراك والتمهيد لابن عبد البر وأوجز المسالك للكندهلوي في 15 مجلد، وشرح وسيط مفيد جدا للزرقان، وشرح نفيس ومفيد مختصر لولي الله الدهلوي في مجلدين، وغيرهما كثير. ورحمة الله على الإمام مالك الذي ملأ الدنيا علما وفقها وفضلا وخيرا. ويقول العلماء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الرسالة، أي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى استثبت في ذكر الإمام مالك رحمه الله إلى رمبلي سبامون دو سيونس ودو compréhension et de compréhension saine et de beaucoup de bien. Les hommes de science disent Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir n'est qu'un être humain. Il voit juste comme il tombe dans l'erreur et on prend de sa parole et on refute, sauf le prophète alayhi salatu wassalam, sauf le messager. Regardez comment les hommes de science remettent tout à sa place. Sa place est énorme. Ils nous apprennent par ça de ne pas aller aux extrêmes. On n'est pas dans une religion qui glorifie les hommes, qui les élèvent. Là, on est dans une religion où le culte est réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal, et le suivi aveugle est réservé à la sunna authentique du prophète alayhi salatu salam, sur la voie de ne plus erreur de Allah alayhi. Et leurs paroles, c'est pas un dénigrement sur l'imam Malik, loin de là. Ils la disent pour l'imam Malik comme ils la disent pour d'autres, etc. C'est pour attirer notre attention. Attention. L'adoration d'Allah exclusive, il est suivi aveugle au prophète alayhi salatu salam. Wa huwa sahib hadhihi al-qawlah al-khalidah kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu alayhi illa sahib hadha al-qabr, yani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. C'est lui qui a dit cette parole, cette noble parole, et cette parole qui est restée dans l'éternité, qui est rentrée dans les annales du livre de la science. De tout un chacun on prend et on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe. Il fait signe à qui? Prophète alayhi salatu salam. Cette parole, il l'a dite dans son cercle d'enseignement à Médine et dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam. فيقول أهل العلم والناصحين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكل متعصب لمذهب الإمام مالك مع مخالفة الدليل من القرآن والسنة إنك على خطر عظيم وإنك مخالف لإمامك ولمنهج إمامك الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. Les hommes de science et ceux qui conseillent la communauté de Mohammed alayhi salam et qui conseillent tout homme sectaire et tout un chacun qui est sectaire à la voix de l'imam Malik et qui est sectaire aux paroles de l'imam Malik malgré qu'ils sont quand ils sont en divergence avec la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète alayhi salatu salam, ils leur disent vous êtes dans une voie dangereuse, vous marchez danger, attention, vous êtes dans un danger car vous êtes en train de prendre une voie divergente à votre imam, car et vous êtes en train de prendre une voie qui n'est pas la voie de votre imam Malik. Car l'imam Malik a dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Wa rahimallahu l'imam Malik. Wa marid al-imam Malikun. اثنان وعشرين يوما ولم يذكر أحد ما مرضه ولما مات تشهد ثم قال الله أكبر تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد وبلغ من عمره حين وفاته رحمه الله 87 سنة وكانت وصيته رحمه الله أن يكفن في ثوب أبيض ويصلى عليه بموضع الجنائز فنفذت وصيته ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى رحمة الله على إمام دار الهجرة ومستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مالك التنبي مالاد avant sa mort, et on ne nous rapporte pas la maladie qu'il avait, rahmatullahi alayhi. Quand il est mort, il a fait l'attestation deux fois, et après il a cité cette parole, ce verset qui dit, « Ya Allah, la situation avant et après. »« Lillahi l'amro min qabl wa min ba'd. » Il est mort à l'âge de 87 ans, et son testament c'était qu'on le mette dans un linceul blanc et qu'on prie sur lui, là on prie sur les morts, la place qui est réservée aux morts, c'est là on prie sur lui. On a mis en exécution son testament, il a été enterré à Al-Baqi', là où sont enterrés la majeure partie des compagnons du prophète alayhi salam, le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce saint miséricorde l'imam Malik rahmatullah alayhi. Wa khitaman qaddimu li nafsi wa li ikhwani hadhihi al-qawla al-manhajiyya al-'azima l'imam dar al-hijra yaqulu rahmatullah alayhi as-sunnah safinatu nuh man rakibaha najah as-sunnah safinatu nuh من ركبها نجا. وقولته المشهورة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. وقولته ما لم يكن ذلك اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا. En conclusion, cette grande parole de laquelle Imam Malik nous trace la voie à suivre, Ahmadullah Ali. Il nous dit, la sunna, c'est l'arche de Noé. C'est l'arche de Noé, alayhi salatu wassalam. Celui qui la monte, il va être sauvé. C'est-à-dire celui qui, ça veut dire, c'est-à-dire celui qui se cramponne à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, celui-là, il sera sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ces gens-là, qui essaient de leur mieux de mettre en application la sunna du prophète alayhi salam. Il a dit une parole, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Ne fera le bien de la fin de cette communauté que la voie sur laquelle étaient les premiers de cette communauté. C'est ça qui va faire le bien de cette communauté. Et cette parole, je la répète encore une fois, ce qui n'a pas Il a dit, rahmatullah, ce qui n'a pas été une religion hier ne sera pas une religion aujourd'hui. Ce qui n'a pas été une religion à l'époque du prophète alayhi salam et à l'époque des compagnons du prophète alayhi salam ne sera pas une religion aujourd'hui. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman yahtadi bi a'immati al-huda wa bi imam al-muhtadin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bi sahbihi al-kiram. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ici normalement on termine pour ce soir ici et demain matin après salat al-fajr on se retrouve ici à 11h inshallah et après le dhuhr après l'asr. Tout à l'heure mais ça va être une répétition. c'est l'interprétation de surat al-Fatiha, la fin de l'interprétation de surat al-Fatiha, c'est aux trois ponts, la mosquée des trois ponts, c'est avant salat al-Isha, c'est vers le coup de 8h, entre 8h et 8h30 par là. Mais ça, c'est une répétition, nous sommes en train de le faire ici le matin. Bah, c'est un résumé en quelque sorte. Ceux qui veulent venir, ceux qui ont l'habitude de prier Tarawih là-bas derrière Abdelkrim, bah, ils ont l'habitude d'aller là-bas. Hein? Ouais, ce soir et demain aussi, je retourne là-bas entre le... Si je la termine pas ce soir chez eux, bah, je la terminerai demain. Sinon, demain sera autre chose, sera un autre jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه بارك الله فيكم احسن الله اليكم.